C'est un nid de fouet, et cela claque jusqu'à la température du suicide. Je vis dans une méduse, et cela conforte ma résistance. C'est peut-être un ventre de femme, ou une vraie méduse, ou un puits à l'envers, mais je sens ma solidité. Tout me traverse, comme un passage obligé, et sans retenue, mes galons d'avoine, mes muscles des bêtes. Mais je suis solide. Ma seule crainte, que la méduse éclate en milliers de chambres ouvertes où je ne serai jamais chez moi. Pensée est en vrac, comme un jeu de cartes sur la table du monde. Et je ne cesse de jouer contre la mort, contre la montre, qui ressemble à deux vautours de sable, prêts à m'ensevelir au moindre faux pas. Pour l'instant, ça marche. Même si leurs ailes me frôlent et séduisent ma disparition. L'as de cœur est caché dans mes veines. Elisabeth Vernet est une passante dont les seuls bivouacs s'étirent sous et sur la mer. La grande parade de la nature n'a aucun secret pour elle. Cette délicieuse parade démesurément agrandi par le sortilège d'une faune et d'une flore que ses yeux invoquent.